que ça dure. Oh mon Dieu, pourvu que ça dure. Tous les deux, pourvu que ça dure. Envers et contre saison. Un coup de peau, ça vous arrive un beau matin sans raison. Ça repart aussitôt sans plus de raison. Ça vous met le cœur à fleur de peau. Un coup de peau, c'est comme la chance que l'on saisit quand elle vient. Compter dessus en rêvant ne sert à rien. Ni se croiser les bras en disant pourvu que ça dure. Oh mon Dieu, pourvu que ça dure. Tous les deux, pourvu que ça dure. Envers et contre saison. Un coup de peau, c'est de se balader entre terre et ciel. C'est de se retrouver sans aucun problème. Comme un module retrouve son lemme. Un coup de peau, c'est comme ceux qui trouvent le grand amour dans les petites annonces des journaux du jour. Et se marient très vite en disant pourvu que ça dure. Oh mon Dieu, pourvu que ça dure. Tous les deux, pourvu que ça dure. Envers et contre saison. Le grand amour, à 14 ans je m'y étais préparé. À 18 ans je crois bien qu'il m'a grisé. À 20 ans je jouais les blasés. Mais le grand amour, ça vous arrive enfin quand on n'y croit plus. Ça vous tient chaud quand on se dit que tout est foutu. Ça se raccroche à tout en disant pourvu que ça dure. Oh mon Dieu, pourvu que ça dure. Tous les deux, pourvu que ça dure. Envers et contre saison. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure.